Quand je réfléchis sur mon avenir, je me pose beaucoup de questions. Tout est flou. Mon assurance est brisée, mon soutien toile d'araignée, mon avenir est flou, mon avenir est flou. Je souffre méprisée des ans, mais j'avance et point d'avenir. Mon avenir est flou. Hey, mon avenir est flou. L'avenir est flou. Tout me semble flou. Tout est flou. Ma vision est floue. Lève-toi et prends courage.